le visage de l'abbé, par L. Timide et Robert Eustace. Si Madame Sarah avait une compétence plus développée qu'une autre, c'était bien celle de prendre les gens au dépourvu. Au moment où l'on s'y attendait le moins, elle faisait éclater une mine à vos pieds, vous engloutissait dans le plus horrible des dangers, vous poignardait dans l'ombre ou vous blessait par l'intermédiaire de votre meilleur ami. En somme, cette femme dangereuse risquait de devenir la terreur de Londres si des mesures n'étaient pas bientôt prises pour la placer sous une surveillance telle que son génie ne put plus s'affirmer. Des mois s'écoulèrent après ma dernière aventure. Une fois de plus, mes craintes s'assoupirent. Le nom de Madame Sarah n'était ni le premier auquel je pensais en m'éveillant le matin, ni le dernier à visiter mes rêves la nuit. Absorbé par ma profession, j'avais peu de temps à lui consacrer. Après tout, me dis-je, elle avait peut-être quitté Londres. Elle avait peut-être emporté ses machinations, ses cruautés et son génie ailleurs. Mais le futur proche allait nous démontrer que ce n'était pas le cas. L'affaire, qui ramena Madame Sarah sur le devant de la scène, commença de la manière suivante. Le 17 juillet 1900, je reçus une lettre. Elle était ainsi conçue. 23, West Terrace, Charlton Road, Putney. Cher Monsieur Drews, je me trouve dans une grande difficulté et je vous écris pour solliciter votre conseil. Mon père est décédé il y a 15 jours dans son château au Portugal, faisant de moi son héritière. Son beau-frère, qui vivait là-bas avec lui, est arrivé à Londres hier et est venu me voir, m'apportant tous les détails de la mort de mon père. Ceux-ci sont au plus haut point mystérieux et terrifiants. Il y a aussi beaucoup d'affaires à régler. Je connais peu de choses à faire et j'apprécierais grandement votre avis sur l'ensemble de la situation. Pouvez-vous venir me voir ici demain à 3 heures? Le seigneur de Castro, mon oncle, frère de ma mère, sera présent et j'aimerais que vous le rencontriez. Si vous pouvez venir, je vous en serai très reconnaissante. Bien sincèrement vôtre, Helen Sherwood. Je répondis à cette lettre par télégramme. Serai chez vous à 3 heures demain. Helen Sherwood était une vieille amie, c'est-à-dire que je la connaissais depuis son enfance. Elle avait maintenant environ 23 ans et était fiancée à certain Godfrey Despard, l'un des meilleurs gaillards que j'ai jamais rencontré. Despard était employé dans un comptoir de négoce à Shanghai et la perspective d'un mariage immédiat était mince. Néanmoins, les jeunes gens étaient déterminés à rester fidèles l'un à l'autre et attendre ce revirement de fortune qui sourit à la plupart de ceux qui savent l'attendre. La vie de Helen avait été triste. Sa mère, une dame portugaise de bonne famille, était morte à sa naissance. Son père, Henry Sherwood, était parti à Lisbonne en 1860 en tant que sous-secrétaire de l'ambassade et n'avait jamais souhaité revenir en Angleterre. Après la mort de sa femme, il avait vécu en reclus excentrique. Quand Helen eut 3 ans, il l'avait renvoyée au pays. Elle avait été élevée par une vieille tante de son père, qui n'avait jamais compris cette jeune fille impulsive et ardente. Elle l'avait traitée avec une rare absence de sympathie. Cette femme était morte lorsque sa jeune pupille avait 16 ans. Elle n'avait laissé aucun argent derrière elle et, comme son père refusait de consacrer un sou à l'entretien de sa fille, Helen dut affronter le monde avant la fin de son éducation. Mais son caractère était plein d'entrain et de détermination. Elle resta à l'école comme élève maîtresse, puis subvint à ses besoins grâce à ses talents. Elle était bonne linguiste, musicienne habile, et possédait l'une des voix les plus charmantes que j'ai jamais entendues chez une amatrice. Au début de cette histoire, elle gagnait confortablement sa vie et mettait même un peu d'argent de côté pour cette date lointaine où elle épouserait l'homme qu'elle aimait. Pendant ce temps, la carrière de Sherwood fut extraordinaire. Il eut une chance extrême en remportant le premier prix de la grande loterie d'État de Noël à Lisbonne, s'élevant à 150 millions de reis, ce qui représentait, en monnaie anglaise, 30 000 livres. Avec cette somme, il acheta un vieux château dans les montagnes de la Serra da Estrella et, accompagné du frère de sa femme, un certain Petro de Castro, s'y installa. Il était haï de ses semblables et, à l'exception de deux Castro, n'avait pas d'amis. Le vieux château était, disait-on, d'une beauté extraordinaire et était connu sous le nom de Castello Mondego. Il était situé à une trentaine de kilomètres de la vieille ville portugaise de Coimbra. Les récits historiques du lieu étaient pleins d'intérêt, et sa situation était merveilleusement romantique, bâtie sur les hauteurs dominant le fleuve Mondego. Le château datait du XIIe siècle et avait été le théâtre d'actes braves et violents. Il était censé être hanté par un vieux moine qui aurait été assassiné, mais de mémoire d'homme, personne ne l'avait vu, du moins, c'est ce que m'avait dit Hélène. Le lendemain, à 3 heures précises, je me trouvai à Westerace et fus introduit dans le joli petit salon de ma jeune amie. « Je vous remercie grandement d'être venu, monsieur Drousse, » dit-elle. « Puis-je vous présenter mon oncle, le seigneur de Castro ?» Le seigneur, un bel homme qui parlait remarquablement bien l'anglais, s'inclina, eut un sourire gracieux et entra aussitôt en conversation. Son visage avait des traits forts. Sa barbe était grise, de même que ses cheveux et sa moustache. Il était légèrement dégarni sur les tempes. Je l'estimais à environ 45 ans. « Maintenant, dit Allen, après que nous eûmes conversé quelques minutes, peut-être, oncle Petro, expliquerez-vous à M. Drousse ce qui s'est passé ?» Tandis qu'elle parlait, je remarquai que son visage était très pâle et que ses lèvres tremblaient légèrement. « C'est une histoire douloureuse, dit le portugais, des plus horribles et inexplicables. » Je me préparai à écouter et il poursuivit. Ces derniers mois, mon charme y était tourmenté. La raison m'en paraissait extraordinaire. Je savais que Sherwood était excentrique, mais il était aussi terre à terre et je l'aurais cru le dernier homme susceptible d'être en proie à de telles terreurs. Néanmoins, tel fut le cas. Le vieux château a la réputation d'être hanté et l'apparition qui est censée troubler mon égo est celle d'un visage d'une blancheur spectrale que l'on voit de temps à autre la nuit, regardant par l'une des fenêtres ou l'une des embrasures des remparts entourant la cour. On dit que c'est l'ombre d'un abbé qui fut sauvagement assassiné par un noble castillan propriétaire du château il y a 100 ans. C'est à la fin du mois d'avril de cette année que mon beau-frère déclara pour la première fois avoir vu l'apparition. Je n'oublierai jamais sa terreur. Il vint dans ma chambre, me réveilla et me montra l'embrasure où il l'avait vue. Il la décrivit comme une silhouette noire penchée à une fenêtre avec un visage blanc d'une horreur effroyable, des yeux grands ouverts, qui semblait fixer le vide. Je tentais de le raisonner, j'essayais de faire appel à son bon sens et fis tout ce qui était en mon pouvoir pour le ramener à la raison, mais en vain. La terreur empira de plus en plus. Il ne pouvait penser ni parler d'autre chose et pour aggraver la situation, il rassembla toute la vieille littérature qu'il put trouver sur la légende. Il la lisait et me répétait ses informations macabres au repas. Je commençais à craindre que son esprit ne finît par être atteint, et il y a 3 semaines, je le persuadais de venir avec moi à Lisbonne pour changer d'air. Il accepta. Mais la nuit même, précédant notre départ, je fus réveillé aux petites heures du matin par un cri terrible, suivi d'un autre, puis l'appel de mon nom. Je courus dans la cour et levai les yeux vers les remparts. Là, je vis avec horreur mon beau-frère se précipitait le long du parapet, hurlant comme en proie à une terreur extrême et s'imaginant manifestement poursuivi par quelque chose. L'instant d'après, il se précipita la tête la première d'une hauteur de 30 mètres sur les dalles à mes côtés, mourant sur le coup. Vint maintenant la partie la plus horrible. En levant les yeux, je vis, et je le jure avec autant de certitude que je vous parle en ce moment, une silhouette noire penchée au-dessus du rempart, exactement à l'endroit d'où il était tombé, une silhouette au visage d'une blancheur spectrale qui me fixait droit dans les yeux. La lune était pleine et donnait au visage une clarté indubitable. Il était grand, rond et lisse, d'une blancheur que je n'avais jamais vue sur un visage humain, avec des yeux grands ouverts et un regard fixe. Le visage était rigide et tendu, la bouche était tirée aux commissures. Aussi fugace que fut cette vision, car elle disparut presque l'instant d'après, je ne l'oublierai jamais. Elle est gravée à jamais dans ma mémoire. Il cessa de parler. À force de côtoyer longuement les hommes et grâce à l'expérience acquise en m'occupant de leurs affaires, je sus aussitôt que ce que De Castro venait de dire sortait cette affaire du domaine du banal. Qu'il eût été sincère ou non, des enjeux sérieux étaient en cause. « Qui d'autre se trouvait dans le château cette nuit-là » demandai-je. « Personne, » répondit-il immédiatement, « pas même le vieux Gonzalves, notre seul domestique. » Il était parti rendre visite à sa famille dans les montagnes, à une dizaine de kilomètres de là, nous étions absolument seuls. « Vous connaissez assez bien les affaires de M. Sherwood, » continuai-je. « En supposant une supercherie, y aurait-il un mobile que vous connaissiez pour que quelqu'un lui joue un tour aussi macabre ? Absolument aucun. Vous n'aviez jamais vu l'apparition avant cette occasion ? Jamais. Et quelles furent vos démarches ensuite ? Il n'y avait rien à faire sinon transporter le proche Sherwood à l'intérieur. Il fut enterré le lendemain. Je fis tout mon possible pour qu'une enquête soit ouverte, mais le château est dans un endroit isolé et les autorités sont lentes à agir. Le médecin portugais donna son autorisation pour l'enterrement après une enquête formelle. La version officielle stipula que le défunt s'était suicidé dans un accès de folie temporaire, mais ils refusèrent absolument d'enquêter sur l'apparition. Et maintenant, dis-je, que pouvez-vous me dire au sujet de la disposition des biens ? Le testament est remarquable, répondit De Castro. Le seigneur Souza, l'avoué de mon beau-frère, le détient. Sherwood est mort beaucoup plus riche que je ne l'imaginais. C'était dû à quelques spéculations très réussies. Les biens mobiliers et immobiliers s'élèvent à 70 000 livres, mais les termes du testament sont excentriques. L'affection passionnée de Henry Sherwood pour le vieux château était tout à fait morbide, et l'essentiel des conditions du testament est le suivant. Helen doit vivre sur la propriété, et si elle le fait, et tant qu'elle le fera, elle recevra la totalité des intérêts de 40 000 livres, qui sont maintenant investis dans de bonnes valeurs anglaises. À défaut de cette condition, la propriété sera vendue, et les dites 40 000 livres iront à une œuvre de charité portugaise à Lisbonne. J'ai aussi un intérêt personnel dans le testament. Je le savais de Sherwood lui-même. Il m'a dit que sa ferme intention était de conserver le château de la famille pour sa fille et pour son fils si elle se mariait. Il m'a supplié instamment de promouvoir ses vœux en cas de décès. Je devais remuer ciel et terre pour persuader Helen de vivre au château et afin d'assurer que j'exécute ses volontés, il m'a légué la somme de 10 000 livres à condition qu'Helen vive au Castello Mondego. Si elle ne le fait pas, je perds l'argent. D'où ma présence ici et mon anxiété personnelle à élucider le mystère de la mort de mon ami. Et avoir ma nièce installée comme propriétaire de la plus belle et romantique propriété de la péninsule. Il était bien sûr de mon devoir de donner un compte-rendu fidèle du mystère entourant la mort de mon malheureux beau-frère, et j'espère sincèrement qu'une solution à ce terrible mystère sera trouvée, et que Hélène rentrera en possession de ses magnifiques biens en toute confiance. Les termes du testament sont vraiment excentriques, dis-je, puis me tournant vers Hélène, j'ajoutai. Vous ne pouvez vous permettre de craindre de vivre au Castello Mondego, alors que ce serait le moyen de réaliser le désir de votre cœur. Cela signifie-t-il que vous êtes fiancée, Helen ? Demanda De Castro. En effet, répondit-elle, puis elle se tourna vers moi. Je ne suis qu'humaine, et une femme. Je ne pourrais pas vivre au Castello Mondego avec ce mystère inexpliqué, mais je suis prête à prendre toutes les mesures, oui, toutes les mesures, pour découvrir la vérité. « Laissez-moi réfléchir à l'affaire, dis-je après une pause. Peut-être pourrais-je concevoir un plan pour éclaircir ce cas inexplicable. Il n'y a personne dans tout Londres mieux à même de s'attaquer à ce mystère que moi, car c'est pour ainsi dire ma profession. »« Considérez-moi comme votre collaborateur dévoué, monsieur Drouze, dit le seigneur de Castro. « Quand comptez-vous retourner au Portugal ? Demandai-je. « Dès que possible. Où logez-vous actuellement ? À l'hôtel Cécile. » Il se leva en parlant. « Je suis désolé de devoir filer, dit-il. J'ai promis de retrouver une amie, une dame, dans une demi-heure. C'est une femme très occupée et je ne dois pas la faire attendre. » Ses paroles étaient assez banales, mais je remarquai un étrange changement sur son visage. Ses yeux s'emplirent d'ardeur et pourtant, était-ce possible, une curieuse peur semblait aussi les remplir. Il serra la main d'Hélène, s'inclina devant moi et quitta précipitamment la pièce. « Je me demande qui il va rencontrer, dit-elle. » jetant un coup d'œil par la fenêtre et observant sa silhouette tandis qu'il descendait la rue. Il m'a dit à son arrivée qu'il avait un entretien en suspens d'une très grande importance. « Mais voilà, je ne dois pas vous retenir, monsieur Drouze. Vous êtes aussi un homme très occupé. Avant de partir, cependant, dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Je ne peux certainement pas vivre au château tant que ce visage spectral n'est pas expliqué, mais en même temps, je ne souhaite pas renoncer à la propriété. Vous y vivrez ? Profiterai de la propriété et serai heureuse, répondis-je. Je vais réfléchir à tout ça. Je suis certain que nous trouverons une issue à ce mystère. Je lui serrai la main et partis en hâte. Pendant le reste de la soirée, cette affaire extraordinaire monopolisa mes pensées. Je décidai de m'en occuper, de lancer toutes les enquêtes possibles et par-dessus tout, de déterminer s'il y avait une raison physique à l'apparition. En bref, si la mort affreuse de M. Sherwood profitait à une personne vivante. Mais je dois avouer que malgré toutes mes réflexions, je ne vis pas la moindre lueur d'espoir, jusqu'à ce que je me souvienne de la curieuse expression du visage de De Castro lorsqu'il parla de son rendez-vous avec une dame. L'homme avait indubitablement son point faible, il souffrait d'une certaine anxiété. Quelle en était la nature? Je pris note de cette circonstance et décidai d'en parler avant de l'heure dès que j'en aurai l'occasion. Le lendemain matin, l'un des directeurs de notre agence se présenta. Lui et moi eûmes une longue conversation sur des questions professionnelles et au moment de partir, il me demanda quand je souhaitais prendre mes vacances. « Si vous voulez partir pour 15 jours ou 3 semaines, c'est le moment, » conclut-il. Je répondis sans une seconde hésitation que je souhaitais aller au Portugal et que je profiterais du congé qu'il m'offrait. Or, il ne m'était jamais venu à l'esprit de visiter le Portugal jusqu'à ce moment. Mais l'idée s'empara si fort de moi que je me rendis aussitôt au Cécile et eus un entretien avec De Castro. Je lui dis que je ne pouvais remplir ma promesse à Miss Sherwood sans me rendre sur les lieux, et que je l'accompagnerais donc à Lisbonne. Son visage exprima une joie sincère et, avant de nous quitter, nous convînmes de nous retrouver à Charing Cross le surlendemain matin. Je me hâtai ensuite à Putney pour informer Ellen Sherwood de mon intention. À ma surprise, je la vis occupée à ranger différents articles de sa garde-robe dans une grande malle qui trônait au centre du petit salon. « Que faites-vous ? » m'écriai-je. Elle rougit. « Ne me grondez pas, » dit-elle. « Il n'y a qu'une chose à faire et j'ai décidé ce matin de la faire. Après-demain, je pars pour Lisbonne. J'ai l'intention d'enquêter moi-même sur le mystère. » « Vous êtes une bonne et courageuse jeune fille, » m'écriai-je. « Mais écoutez, Ellen, ce n'est pas nécessaire. » Je lui dis alors que j'avais obtenu de manière inattendue quelques semaines de vacances et que j'avais l'intention de consacrer ce temps à son service. « Mieux encore, » s'écria-t-elle, « je pars avec vous, les choses n'auraient pu mieux s'arranger. »« Qu'est-ce qui vous a mis cette idée en tête ?» demandai-je. « Elle n'est pas de moi, » dit-elle. « J'ai passé une nuit épouvantable et ce matin, peu après 10 heures, j'ai reçu une visite inattendue. Ce n'est pas une inconnue pour moi, bien que je ne l'ai jamais mentionnée. On la connaît sous le nom de Madame Sarah, elle est... « Ma chère Ellen, » m'écriai-je, « ne me dites pas que vous connaissez cette femme. C'est l'une des pires crapules de tout Londres. » « Vous ne devez rien avoir à faire avec elle, absolument rien !» Elle en ouvrit de grands yeux. « Vous jugez mal, Madame Sarah, » dit-elle. « Je la connais depuis quelques années et elle a été une amie des plus bienveillantes pour moi. Elle m'a trouvé plus d'un bon poste de professeur et j'ai toujours eu une grande admiration pour elle. C'est sans aucun doute la femme la plus désintéressée que j'ai jamais rencontrée. » Je secouai la tête. « Vous ne me ferez pas changer d'avis sur elle, » continua Hélène. « Pensez à sa gentillesse. » de me rendre visite aujourd'hui. Elle est venue en voiture ce matin simplement parce qu'elle a rencontré mon oncle Pedro de Castro hier. Elle le connaît aussi depuis quelque temps. Elle a eu une conversation avec lui à mon sujet et il lui a tout raconté sur l'étrange testament. Elle était immensément intéressée et a dit qu'il était impératif que j'enquête moi-même sur l'affaire. Elle a parlé de la manière la plus sensée et a finalement dit qu'elle ne me quitterait pas avant que j'ai promis d'aller au Portugal visiter le château et de percer le mystère en personne. Je le lui ai promis et j'ai senti qu'elle avait raison. Je tiens à ma promesse. Quand Hélène eut fini de parler, je restai silencieux. Je pouvais à peine décrire l'étrange sensation qui me parcourut. Était-il possible que la peur que j'avais vue si fortement peinte sur le visage de De Castro fût causée par Madame Sarah? Le mystère du vieux château portugais était-il aussi lié à cette femme terrible? Si oui, quelles effroyables révélations pouvaient nous attendre? Elle n'était pas la première jeune fille innocente à croire en Madame Sarah, ni la première dont la vie était menacée. « Pourquoi ne parlez-vous pas, Monsieur Drews ?» me demanda-t-elle enfin. « À quoi pensez-vous ? » « Je préfère ne pas dire à quoi je pense, » répondis-je. « Mais je suis très heureux d'une chose, c'est que je pars avec vous. » « Vous êtes mon plus gentil, mon meilleur ami, » dit-elle. « Et maintenant, je vais vous avouer une chose de plus. Madame Sarah dit que le fait que vous fassiez partie du voyage écartait tout danger en ce qui me concernait, car elle vous sait l'homme le plus intelligent qu'elle n'ait jamais rencontré. »« Ah, » répondis-je lentement, « et un homme plus intelligent que moi. Et son nom est Eric Vandeleur. L'aurait-elle évoqué par hasard? Non, qui est-ce? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je vous le dirai un jour, répondis-je, mais pas maintenant. Je me levai, lui fis un revoir hâtif et me rendis directement chez Vandeleur. J'étais bien décidé à le consulter à propos de cette affaire. Il était sorti quand je passais, mais je lui laissai un mot et il vint chez moi dans le courant de la soirée. En moins d'un quart d'heure, je lui mis au courant de tous les faits. Il écouta mon récit en silence. « Eh bien, m'écriai-je enfin, qu'en pensez-vous ? » ?»« Il n'y a qu'une seule conclusion, Drouze, » fut sa réponse. « Il y a un mobile dans ce mystère, une méthode dans cette folie. Madame Sarah est mêlée à cela. Dans ce cas, tout ce qui est surnaturel est inenvisageable. Je suis désolé que Miss Sherwood aille à Lisbonne, mais le fait que vous l'accompagniez la protégera. Sans aucun doute, sa vie est en danger. Eh bien, vous devez faire de votre mieux. » Et un homme averti en vaut deux. J'aimerais vous accompagner, mais je ne le peux pas. Peut-être serais-je plus utile ici, à surveiller l'archidémon qui tire les ficelles. De Castro accueillit calmement la nouvelle que sa nièce allait nous accompagner. Les femmes sont d'étranges créatures, dit-il, qui supposeraient qu'une jeune fille délicate s'exposerait aux terreurs qu'elle risque de subir dans le château. Eh bien qu'elle vienne, c'est peut-être mieux. Et mon amie, la dame dont je vous ai parlé, l'a recommandée. « Vous voulez parler de Madame Sarah ? » demandai-je. « Ah ! » répondit-il en sursautant. « Vous la connaissez ?»« Un peu, » répondis-je d'un ton prudent. Puis je changeai de conversation. Notre voyage se déroula sans aventure et une fois à Lisbonne, nous descendîmes à l'hôtel Durand. L'après-midi de ce même jour, nous allâmes voir Manuel Souza, l'avoué chargé des affaires de M. Sherwood. Son étude se trouvait dans la rue de Rio de Janeiro. C'était un petit homme aux yeux vifs, ayant toutes les apparences de l'honnêteté et de la compétence. Il nous reçut affablement et regarda avec beaucoup d'intérêt Helen Sherwood, dont le visage calme et courageux et l'apparence anglaise l'impressionnèrent favorablement. « Vous avez donc fait tout ce long chemin, Seigneur, » dit-il, « pour enquêter sur le mystère de la mort de votre pauvre père. Soyez assuré que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Et maintenant, vous aimeriez tous voir les documents et les papiers. Les voici. » À votre disposition. » Il ouvrit une boîte en fer-blanc et en sortit une pile de papier. Helen s'approcha d'une des fenêtres. « Je ne comprends pas le portugais, » dit-elle. « Vous les examinerez pour moi, n'est-ce pas, oncle Petro, et vous aussi, monsieur Drouze ?» J'avais une connaissance suffisante du portugais pour pouvoir lire le testament, et je découvris rapidement que le récit de Docastro à son sujet était tout à fait exact. « Avez-vous l'intention d'aller au Castelo Mondego ?» demanda l'avoué, alors que notre entretien touche à sa fin. « Personnellement, je compte bien y aller, » répondis-je. « Ce sera un grand plaisir pour moi d'emmener M. Drouze dans ce lieu romantique, » dit De Castro. « Et j'y vais avec vous, » s'écria Hélène. « Ma chère, chère jeune dame, » dit l'avoué, une lueur d'inquiétude traversant ses yeux vifs, « est-ce nécessaire ? Vous trouverez le château très solitaire et non préparé pour la réception d'une dame. Quoi qu'il en soit, « j'ai fait tout ce long chemin pour le visiter, » répondit Helen. « J'y vais avec mon ami, M. Drouze, et avec mon oncle, et en ce qui me concerne, le plus tôt nous y serons, le mieux ce sera. » L'avoué leva les mains au ciel. « Je ne dormirai pas dans cet endroit, » s'exclama-t-il, « pour 20 contos de reis. » Il se signa involontairement. « L'histoire est ancienne, » dit-il. « On sait depuis 100 ans que le château est hanté par un moine qui fut assassiné par traîtrise. » C'est la raison, Miss Sherwood, pour laquelle votre père l'a eu à si bon marché. Surnaturel ou non, je dois aller au fond de cette affaire, dit-elle à voix basse. De Castro se leva d'un bond, une expression d'impatience traversant son visage. Si vous n'avez pas besoin de moi pour le moment, Drouze, dit-il, j'ai quelques affaires personnelles à régler. Il quitta l'étude et Helen et moi nous apprêtions à le suivre quand le seigneur Souza s'adressa soudain à moi. À propos, Monsieur Drouze, « on me dit que vous êtes de l'agence d'enquête Solvency de Londres. Je connais bien cette grande maison. Je présume donc que des questions de grand intérêt dépendent de cette enquête. »« Les intérêts sont grands, » répondis-je, « mais n'ont aucun lien avec mes affaires. Je suis venu en ami. Cette jeune dame est fiancée à un de mes amis particuliers et je la connais personnellement depuis son enfance. Si nous pouvons élucider le mystère actuel, le mariage de Helen Sherwood pourra avoir lieu immédiatement. » Si d'un autre côté, cette terreur qui plane sur le Castello Mondego est si accablante que Miss Sherwood ne peut se résoudre à y vivre, une longue séparation attend les jeunes gens. J'ai répondu à votre question, Seigneur Zouza. Voudrez-vous de votre côté répondre à la mienne ? Certainement, acquiesça-t-il. Son visage semblait vivement intéressé, et de temps en temps, son regard allait de Hélène à moi. Avez-vous connaissance de l'existence d'un mobile qui inciterait quelqu'un à se faire passer pour l'apparition et à provoquer ainsi la mort de M. Sherwood ? Je ne connais aucun mobile de ce genre, mon cher monsieur. Le seigneur de Castro héritera de 10 000 livres à la condition, et seulement à la condition, que M. Sherwood prenne possession de la propriété. Il est la seule et unique personne qui bénéficie du testament, à l'exception de M. Sherwood elle-même. Nous devons bien sûr exclure le seigneur de Castro, répondis-je. Sa conduite a été des plus honorables dans toute cette affaire. Il aurait pu être tenté de passer sous silence l'histoire du fantôme, ce qui aurait été à son avantage évident. N'y a-t-il personne d'autre que vous puissiez soupçonner ? Personne, absolument personne. Très bien. Ma ligne de conduite est claire. Je suis venu ici pour obtenir une explication du mystère. Une fois qu'il sera expliqué, M. Sherwood prendra possession du château. Et si vous échouez, monsieur ? Les fantômes ont une fâcheuse tendance à se dérober lorsqu'on désire le plus ardemment leur apparition. Je n'envisage pas l'échec, Seigneur Souza, et j'ai l'intention de me rendre au château immédiatement. Nous sommes un peuple superstitieux, répondait-il, et je n'irai pas là-bas pour tout l'or du monde. Je suis un Anglais, et cette dame est anglaise du côté de son père. Nous n'abandonnons pas facilement un problème lorsque nous nous mettons à l'œuvre pour le résoudre. Que pensez-vous de tout cela ? Me demanda Hélène lorsque nous nous retrouvâmes peu après dans les rues pittoresques et anciennes. Ce que j'en pense, répondis-je. Notre ligne de conduite est claire. Nous devons découvrir le mobile. Il doit y avoir un mobile. Quelqu'un en voulait au vieil homme et souhaitait le terroriser pour le faire disparaître. Quant à croire que l'apparition est surnaturelle, je refuse même de l'envisager. Que le ciel veuille que vous ayez raison, répondit-elle, mais je dois dire qu'une terreur étrange et des plus inexplicables m'oppresse chaque fois que je pense à ce visage spectral. Et pourtant vous avez le courage d'aller au château. C'est une question de devoir, non de courage, monsieur Drousse. Pendant le reste de la journée, je réfléchis au problème, l'examinant sous tous les angles, essayant de le voir avec des yeux neufs, m'efforçant de découvrir l'indécouvrable, le mobile. Il devait y avoir un mobile. Nous le trouverions au château, nous irions là-bas le lendemain. Mais non, une hâte excessive était inutile. Il serait peut-être bon pour moi, aidé comme je le serais par ma propre agence, dont une succursale se trouvait à Lisbonne, de découvrir parmi les connaissances, les amis ou les parents de feu M. Sherwood, le mobile que je cherchais. Mes agents se mirent au travail pour moi, mais bien qu'ils fissent de leur mieux, aucune découverte de la moindre valeur ne fut faite, et au bout d'une semaine, je dis à De Castro et à Hélène que j'étais prêt à partir. « Nous partirons demain matin de bonne heure, » dis-je. « Vous devez faire tous vos préparatifs, Hélène. Il nous faudra la journée pour atteindre le Castello Mondego. J'espère que votre travail pourrait y être achevé, et que nous pourrons être de retour à Lisbonne dans la semaine. » Le visage d'Hélène s'illumina d'un sourire de joie sincère. L'inaction de la semaine qui vient de passer a été terriblement éprouvante, dit-elle. Mais maintenant que nous allons vraiment nous approcher du but, je me sens tout à fait gai. Votre courage m'emplit d'admiration, ne puis-je m'empêcher de dire. Puis je sortis faire certains achats. Parmi ceux-ci, 3 revolvers, un pour Hélène, un pour De Castro et un pour moi-même. Ensuite, j'eus un entretien avec Souza, et le mieux autant que possible dans ma confidence. Le danger du surnaturel ne mérite pas d'être considéré, dis-je, mais le danger de la traîtrise, de mobile inconnu, est considérable. Je ne nie pas ce fait un seul instant. Au cas où vous n'auriez pas de nouvelles de nous d'ici une semaine, venez vous-même ou envoyez quelqu'un au château. Cette lettre est arrivée pour vous par le dernier courrier, dit Souza, et il me tendit une lettre de Vandeleur. Je l'ouvris et lus ce qui suit. J'ai rencontré Madame Sarah, il y a une semaine, chez un ami. Je lui parlais du Castello Mondego. Elle admit qu'elle s'y intéressait, qu'elle connaissait Miss Sherwood et espérait, une fois qu'elle en aurait pris possession, lui rendre visite dans ce lieu romantique. Je lui ai demandé en outre s'il était au courant du contenu de l'étrange testament. Elle a dit en avoir entendu parler. Ses manières étaient parfaitement franches, mais j'ai vu qu'elle était mal à l'aise. Elle a saisi la première occasion de quitter la maison et en me renseignant, j'apprends qu'elle a quitté Londres par le premier train ce matin, en route pour le continent. Ces faits peuvent signifier beaucoup, et je vous conseillerais d'être plus que jamais sur vos gardes. Je mis la lettre dans ma poche, obtins de Souza la promesse de tout ce qui était nécessaire et partis. Tôt le lendemain matin, nous quittâmes la gare du Rossio pour Coimbra et il était près de 7 heures du soir lorsque nous arrivâmes enfin au terme de notre voyage en train et montâmes dans une légère carriole tirée par deux puissants étalons baies pour notre trajet de 30 kilomètres jusqu'au château. Le paysage, à l'approche des contreforts de la Serra da Estrella, était d'une magnificence indescriptible, et tandis que je contemplais les grands pics, baignés maintenant des pourpres et des ors du couchant, la magie et le mystère de notre étrange mission se décuplèrent. Bientôt commença la montée abrupte le long d'une route sinueuse entre deux hauts murs qui nous masquaient la vue, et lorsque nous atteignîmes le château, il faisait trop sombre pour se faire une idée de ses particularités. De Castro avait déjà prévenu de notre arrivée probable, et lorsque nous sonnâmes à la cloche du vieux château, un homme à l'air flegmatique nous ouvrit la porte. « Ah, Gonzalves !» s'écria De Castro, « nous voici. J'espère que vous avez préparé des lits confortables et un bon repas, car nous avons tous une faim de loup. » Le vieil homme haussa les épaules, fronça un peu ses sourcils en broussaille et fixa ses yeux sur Allen avec un certain étonnement. Il marmonna, dans un dialecte portugais que je ne comprenais pas du tout, quelque chose à De Castro qui se déclara satisfait. Puis il ajouta quelque chose et je remarquai que le visage de mon ami portugais pâlissait. « Gonçalves a vu le spectre il y a 3 nuits, me fit-il remarquer en se tournant vers moi. Il était penché comme d'habitude à l'une des fenêtres de la tourelle nord-ouest. Mais allons, nous ne devons pas nous terrifier dès notre entrée dans votre future demeure, Nies Helen. Vous avez sans doute faim. Allons à la salle des banquets. » Le souper préparé pour nous n'était pas appétissant, consistant de misérables côtelettes de chèvre, et dans la grande salle, faiblement éclairée par quelques bougies dans des appliques d'argent, nous pouvions à peine nous voir les uns les autres. Alors que le souper touchait à sa fin, je fis une suggestion. « Nous sommes venus ici, dis-je, pour une affaire sérieuse. Nous nous proposons de commencer une enquête d'un caractère très grave. Il est bien connu que les fantômes préfèrent se révéler à un seul homme ou à une seule femme et non à un groupe. Je propose donc que nous occupions 3 chambres aussi éloignées que possible les unes des autres dans le château et que les fenêtres de nos 3 chambres donnent sur la cour centrale. » De Castro haussa les épaules et une expression de consternation passa un instant sur son visage. Mais Helen fixa ses grands yeux sur les miens. Ses lèvres bougèrent légèrement comme si elle voulait parler, puis elle se ressaisit. « Vous avez raison, monsieur Drousse, dit-elle. Étant venu pour cette enquête, nous ne devons rien craindre. Eh bien, venez tout de suite et nous choisirons nos chambres. En tant que dame, vous aurez le premier choix. » De Castro appela Gonzalves, qui apparut tenant une lanterne à la main. Quelques mots furent dits à l'homme dans son dialecte et il nous guida, montant de nombreux escaliers de pierre, en descendant beaucoup d'autres, et enfin, il ouvrit une énorme porte de chêne et nous nous trouvâmes dans une vaste chambre avec 5 fenêtres, tout à meneaux et enchâssées dans de profondes alcôves. Sur le sol, un lourd tapis. Un lit à baldaquin avec des tentures de velours se trouvait dans une niche. Le reste du mobilier était antique et massif, presque noir de vieillesse, mais rehaussé de ferrures de laiton qui, chose étrange, brillaient comme s'ils avaient été récemment frottés. « C'était la chambre du pauvre Sherwood, dit De Castro. Cela vous dérange-t-il de dormir ici ? » Il se tourna vers Helen. « Non, cela me plairait, » répondit-elle avec emphase. « Je suis heureux que ce soit votre choix, » dit-il, « car je ne crois pas, bien que je sois un homme et vous une femme, que je pourrais moi-même supporter cette pièce. C'est ici que j'ai veillé son corps. Ah, pauvre ami, je l'aimais beaucoup. » « Ne parlons pas de souvenirs ce soir, » dit Helen. « Je suis très fatigué, et je crois que je vais m'endormir très vite. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai pas peur. Monsieur Drousse, où vous installerez-vous ? J'aimerais au moins savoir dans quelle chambre vous serez. » Je lui souris. Sa bravoure m'étonnait. Je choisis une chambre à angle droit de celle d'Helen. Se tenant à l'une de ses fenêtres, elle pourrait, si nécessaire, m'apercevoir si je me tenais à l'une des miennes. De Castro choisit une chambre également éloignée de celle d'Hélène de l'autre côté. Nous souhaitâmes ensuite une bonne nuit à la jeune fille. « Je déteste la laisser si loin de toute aide, » dis-je, en jetant un coup d'œil à De Castro. « Il n'arrivera rien, » répondit-il, « je peux le garantir. Je suis mort de fatigue. Dès que je poserai la tête sur mon oreiller, fantôme ou pas fantôme, je dormirai jusqu'au matin. » Il se hâta vers sa propre chambre. La chambre que j'avais choisie était vaste, haute de plafond, et aurait pu accueillir 20 personnes. Je devais être plus fatigué encore que je ne le pensais, car je m'endormis dès que ma tête toucha l'oreiller. Quand je me réveillais, c'était l'aube et impatient de découvrir les alentours à la lumière du jour, je me levai d'un bond, m'habillai et descendis dans la cour. Trois côtés de cette cour étaient formés par les bâtiments du château, mais le long du quatrième courait une basse balustrade de pierre. Je me dirigeai nonchalamment vers elle. Je n'oublierai jamais la beauté de la scène qui s'offrit à mes yeux. Je me tenais sur ce qui était pratiquement une terrasse, une simple corniche sur l'escarpement rocheux du flanc d'une falaise vertigineuse qui plongeait en dessous de moi sur plusieurs centaines de mètres. Le fleuve Mondego coulait dans un murmure écumeux au pied de la gorge, bien qu'à la hauteur où je me tenais, il ressemblât plus à un fil d'argent qu'à autre chose. S'élevant droit devant moi, solennellement vers les cieux, se dressait le grand pic de la Serra da Estrella, autour duquel, dans le lever de soleil rosé, les nuages du matin s'enroulaient en gigantesques couronnes blanches. Derrière moi se trouvait le grand amas irrégulier du château, avec ses remparts, ses tourelles et ses coupoles, chenus et grisés par le poids des siècles, mais maintenant transfigurés et baignés de lumière dorée. Je venais de me tourner pour le regarder quand je vis De Castro s'approcher de moi. Assurément, dis-je, il n'y a pas d'endroit aussi beau au monde. Nous ne pouvons pas le laisser sortir de la famille. Hélène vivra ici. De Castro s'approcha de moi, il me prit le bras et désigna un endroit sur les dalles de pierre. C'est ici même que son père est tombé des remparts là-haut, dit-il lentement. Je frissonnai, et toutes mes pensées agréables furent instantanément dissipées par le souvenir de cette horrible tragédie et du travail qu'il nous restait à faire. Il semblait impossible, dans cette lumière radieuse et vivante, de réaliser l'horreur que ces murs avaient contenue et pouvaient encore cacher. C'est à certaines de ces mêmes fenêtres que le visage spectral était apparu. Hélène, De Castro et moi passâmes toute la journée à explorer le château. Nous allâmes des cachots aux tourelles et fîmes des plans élaborés pour des veilles nocturnes alternées. L'une des premières choses sur lesquelles j'insistais fut que Gonzalves ne dorme pas dans le château la nuit. Ce fut facile à ranger, le vieil homme ayant des amis dans le village voisin. Ainsi, les seules personnes dans le château après la tombée de la nuit seraient De Castro, Hélène et moi-même. Après avoir envoyé le vieux Gonzalves à l'extérieur et levé la herse, nous fîmes à nouveau le tour complet de l'endroit. Ainsi, nous nous assurâmes que personne d'autre ne pouvait se cacher dans l'enceinte. Enfin, nous plaçâmes en travers de chaque entrée de minces fils de soie qui seraient rompues si quelqu'un tentait de les franchir. Hélène tenait absolument à ce que la nuit soit divisée en trois parties et à ce qu'elle partage l'éveil, mais De Castro et moi l'interdîmes. « Au moins pour ce soir, dis-je, dormez profondément, confiez-nous l'affaire, croyez-moi, ce sera le mieux. Toutes les dispositions sont prises, votre oncle patrouillera jusqu'à 1 heure du matin, puis je prendrai mon service. » Ce plan lui était manifestement des plus répugnants, et lorsque De Castro quitta la pièce, elle s'approcha et se mit à plaider sa cause auprès de moi. J'ai une sensation de terreur étrange et accablante, dit-elle. J'ai beau lutter, je ne peux m'en défaire. Je préférais de beaucoup être debout que dans cette chambre terrible. J'ai dormi la nuit dernière parce que j'étais trop lasse pour faire autre chose, mais je suis éveillée ce soir et je ne fermerai pas les yeux. Laissez-moi au moins partager votre veille. Arpentons la cour côte à côte. Non, répondis-je, cela n'irait pas. Si nous sommes deux, le fantôme, ou quel que soit l'être humain qui se fait passer pour le fantôme, n'osera pas faire son apparition. Nous devons nous en tenir à notre terrible mission, Hélène. Chacun doit veiller seul. Vous allez vous coucher maintenant, comme une gentille fille, et demain soir, si nous n'avons alors rien découvert, vous serez autorisé à prendre votre part de la veille nocturne. « Très bien, » répondit-elle. Elle soupira avec impatience et après un moment, elle dit « J'ai le pressentiment que quelque chose va se passer ce soir. En général, mes pressentiments se réalisent. » Je ne répondis rien, mais je ne pus m'empêcher de lui jeter un regard surpris. C'est une chose d'être dépourvu de terreurs fantomatiques en vivant dans le Londres pratique, entouré du monde et des hommes, mais c'en est une autre d'être à l'épreuve de cette terreur étrange qui visite plus ou moins tous les êtres humains lorsqu'ils sont seuls, la nuit, lorsque le cœur bat plus lentement. Alors, nous sommes sujets à des visions déformées, notre équilibre mental est bouleversé et nous craignons nous ne savons quoi. Hélène et moi savions qu'il y avait quelque chose à craindre, et lorsque nos yeux se rencontrèrent, Nous n'osâmes pas parler de ce qui occupait nos pensées. Je ne pus trouver de Castro et présumai qu'il avait pris sa veille sans plus de cérémonie. Je me retirai donc dans ma propre chambre et me préparai à dormir. Mais l'insomnie qui s'était emparée de Hélène m'avait contaminé. Car lorsque le Portugais rentra dans ma chambre à 1 heure, j'étais bien éveillé. « Vous n'avez rien vu ?» lui demandai-je. « Rien, » répondit-il gaiement. « La lune est claire, la nuit est magnifique. À mon avis, l'apparition ne se montrera pas. » « Je prendrai la précaution de mettre ceci dans ma poche, » dis-je, et je pris mon revolver qui était chargé. En sortant à la cour, je constatai que la brillante lune éclairait le mur nord-ouest et les tourelles. Mais l'ombre noire et nette du mur sud traversait la cour en diagonale. Un silence absolu y régnait, rompu seulement par le coassement de milliers de grenouilles de la vallée en contrebas. Je m'assis sur un banc de pierre près de la balustrade et tentai d'analyser mes sentiments. Pendant un temps, la gaieté que j'avais vue si marquée sur le visage de De Castro sembla s'être communiquée à moi. Mes craintes récentes s'évanouirent. Je n'étais même pas nerveux, je trouvais difficile de concentrer mes pensées sur l'objet qui m'avait amené si loin de l'Angleterre. Mon esprit vagabonda vers Londres et mon travail là-bas. Mais peu à peu, alors que le froid me gagnait et que le silence de la nuit commençait à m'envelopper, je me surpris à jeter des regards de plus en plus fréquents sur ces innombrables fenêtres et ces profondes embrasures. Tandis qu'une tension étrange et écrasante commençait à se faire sentir, et contre ma propre volonté, une terreur, étrange et humiliante, me submergea. Je savais qu'elle était plus forte que moi, et malgré tous mes efforts, je ne pouvais la surmonter. La peur instinctive de l'inconnu, qui met à mal le courage de l'homme le plus brave, m'envahissait. À chaque instant, elle augmentait. Et je sentis que si le visage hideux devait apparaître à l'une des fenêtres, je ne répondrais pas de ma maîtrise de moi. Soudain, alors que j'étais assis, immobile, les yeux rivés sur les fenêtres du vieux château, je sentis, ou crus sentir, que je n'étais pas seul. Il me sembla qu'une ombre bougeait dans la cour près de moi. Je regardais de nouveau, elle venait vers moi. C'est avec difficulté que je pus réprimer le cri qui faillit monter à mes lèvres. L'instant d'après, je fus heureux de ne pas avoir perdu mon sang-froid lorsque la main mince et froide de Helen Sherwood toucha la mienne. « Venez, » dit-elle doucement. Elle me prit la main et sans un mot me conduisit à travers la cour. « Levez les yeux, » dit-elle. Je levai les yeux et alors mon cœur sembla s'arrêter. Et chaque muscle de mon corps se raidit, comme figé par un froid extrême. À l'une des fenêtres du premier étage de la tour nord-ouest, là, dans le clair de lune, se tenait l'apparition. Une silhouette noire et solennelle, les bras croisés sur le rebord, un grand visage rond d'une blancheur cireuse, les traits immobiles et fixés dans un regard hideux, sans ciller, droit de l'autre côté de la cour. La terreur me glaça le cœur, puis je restai absolument rigide. J'en oubliai la jeune fille à mes côtés. Mon pouls s'emballait. Il me sembla que mon cœur allait se rompre. « Appelez mon oncle !» murmura Helen. Et quand j'entendis sa voix, je sus que la jeune fille était plus maîtresse d'elle-même que moi. « Appelez-le » dit-elle encore. « Fort, tout de suite !» Je criai son nom. « De Castro ! De Castro ! Il est là !» La silhouette s'évanouit à ma voix. « Allez !» dit Helen de nouveau. « Allez, je vous attendrai ici. Suivez-le immédiatement. » Je me précipitai dans les escaliers vers la chambre où dormait De Castro. J'ouvris sa porte avec fracas. La chambre était vide. L'instant d'après, j'entendis sa voix. « Je suis ici, » dit-il. « Ici. Venez tout de suite, vite !» En un instant, j'étais à ses côtés. « C'est la pièce même où il se tenait, » dis-je. Je courais à la fenêtre et regardai en bas. De Castro me suivit. Helen n'avait pas bougé. Elle regardait toujours vers le haut, le clair de lune tombait en plein sur son visage blanc. « Vous l'avez vu aussi, » halta De Castro. « Oui, » dis-je, « et Helen aussi, il se tenait à cette fenêtre. »« J'étais réveillé, » dit-il, « et j'ai entendu votre cri. Je me suis précipité à ma fenêtre, j'ai vu le spectre distinctement et l'ai suivi jusqu'à cette pièce. »« Vous jurez l'avoir vu, c'est le visage de l'abbé. » Mon cerveau travaillait vite, mon courage revenait. La terreur insondable de la scène nocturne me quittait. Je saisis soudain De Castro par les deux bras et le retournai pour que le clair de lune l'éclaire. Vous et moi sommes seuls dans cette tour. Helen Sherwood est dans la cour. Il n'y a pas un autre être vivant dans tout le château. Maintenant écoutez. Il n'y a que deux explications possibles à ce qui vient de se produire. Soit vous êtes le spectre, soit il est surnaturel. Moi, s'écria-t-il, êtes-vous fou ? Je pourrais bien l'être, répondis-je amèrement, mais de ceci je suis certain. Vous devez me prouver que vous n'êtes pas l'apparition. Je fais cette suggestion maintenant. Afin de vous laver de tout blâme possible, je la fais pour que nous ayons une preuve absolue qui ne pourrait être contestée devant le tribunal le plus rigoureux. Voulez-vous maintenant vous dévêtir devant moi ? Oui, avant de quitter la pièce, et prouver que vous n'avez aucun masque caché sur vous. Si vous le faites, je serai satisfait. Pardonnez mon insistance. Mais dans un cas comme celui-ci, il ne doit y avoir aucune faille. Bien sûr, je vous comprends, dit-il. Je vais enlever mes vêtements. En 5 minutes, il s'est déshabillé et rhabillé. Il n'y avait aucune supercherie de sa part. Il n'y avait ni masque, ni aucun moyen possible pour lui de simuler ce visage sur sa personne. Je n'ai plus aucun soupçon à votre égard, dis-je, presque avec amertume. Par le ciel, j'aimerais que ce ne soit pas le cas. L'horreur de cette chose va me rendre fou. Regardez cette jeune fille, seule dans la cour. Je dois retourner auprès d'elle. Pensez au courage d'une femme qui resterait là, seule. Il ne répondit pas. Je vis qu'il frissonnait. Pourquoi tremblez-vous ? Demandai-je soudain. À cause de la peur sans nom, répondit-il. Rappelez-vous, j'ai vu son père. Je l'ai vu empreint de terreur. Il a couru le long des remparts, il s'est jeté par-dessus, il est mort. Il s'est écrasé à l'endroit même où elle se tient. Faites-la rentrer, Drousse. Je vais aller lui parler, dis-je. Je retournai dans la cour, je rejoignis Helen, et en quelques mots, je lui racontai ce qui s'était passé. Vous devez rentrer maintenant, lui conseillai-je. Vous allez attraper la mort à rester ici. Elle sourit, d'un sourire lent et énigmatique. Je n'ai pas encore renoncé à trouver la solution, dit-elle, et je n'ai pas l'intention de le faire. En parlant, elle sortit son revolver de sa ceinture, et je vis qu'elle était étrangement excitée. Son attitude montrait une excitation intense, mais aucune peur. « Je soupçonne un coup monté, dit-elle. Alors que je me tenais ici et que je vous regardais, vous et l'oncle Petro, parler à cette fenêtre, j'en ai la conviction. J'en suis plus que jamais convaincu. » Elle s'interrompit brusquement. « Regardez, au ciel, regardez, qu'est-ce que c'est ?» À peine avait-elle prononcé ces mots, que le même visage apparut à une autre fenêtre à droite. Helen poussa un cri aigu, et l'instant d'après, elle visa le visage affreux avec son revolver et tira. Un cri perçant retentit dans la nuit. « C'est humain, après tout, dit Helen. Je le pensais bien. Venez. » Elle se précipita dans l'escalier en colimaçon. Je la suivis. La porte de la pièce où nous avions vu le spectre était ouverte. Nous nous y précipitâmes tous les deux. Sous la fenêtre gisait un tas sombre et recroquevillé, sur lequel brillait le clair de lune, et nous fixant des mêmes yeux grands ouverts, se trouvait le visage de l'abbé. Pendant un instant, ni Helen ni moi n'osâmes avancer, mais après un moment, nous nous approchâmes prudemment de la masse sombre. La silhouette ne bougea pas. Je courus en avant et tendis la main. Je me penchai de plus en plus près jusqu'à ce que ma main touche le visage. C'était de la chair humaine, et elle était encore chaude. « Helen !» Les gens me tournant vers la jeune fille, « Allez tout de suite trouver votre oncle. » Mais à peine avais-je prononcé ces mots que Helen éclata d'un rire bas étranglé, le rire le plus effroyable que j'ai jamais entendu. « Regardez, regardez » dit-elle. Car sous nos yeux, le visage bascula, se déforma et disparut. Nous regardions tous deux le visage de l'homme que nous connaissions sous le nom de Petro de Castro. Son visage était baigné de sang et convulsé de douleur. J'allumai la lanterne, et en m'approchant de nouveau, je vis, gisant sur le sol à ses côtés, quelque chose de poilu que je ne reconnus pas tout de suite. L'instant d'après, je vis ce que c'était. Cela expliquait tout. C'était une perruque. Je me penchai encore plus près, et toute l'horrible supercherie devint claire comme le jour. Car peinte sur l'arrière de la tête parfaitement chauve de l'homme, peinte avec l'habileté la plus consommée, donnant l'illusion saisissante de profondeur et de relief, et toute l'expression hideuse qui avait terrorisé au moins un homme jusqu'à la mort, se trouvait le visage de l'abbé. La perruque qu'il recouvrait habituellement était si habilement faite que l'observateur le plus attentif n'aurait jamais soupçonné que c'en était une, d'autant qu'elle simulait une légère calvitie pour ajouter à la tromperie. Là, dans cette pièce sombre et nue, par phrases entrecoupées d'une voix qui défaillait à mesure que sa vie s'éteignait, de Castro balbutia l'histoire de son péché. « Oui, j'ai essayé de vous tromper, et Gonsalves m'a aidé. J'étais fou de risquer une autre apparition. Approchez-vous tous les deux, je meurs. Écoutez. Sur ce domaine, à moins d'une lieue de l'autre côté de la vallée, j'ai trouvé il y a 6 mois de l'or alluvionné en grande quantité dans le lit du rabbin. Dans la Biblioteca Publica de Lisbonne, j'avais obtenu des années auparavant des comptes rendus de mines exploitées par les Phéniciens, et j'étais fermement persuadé qu'il restait encore de l'or. Je l'ai trouvé, et pour en tirer le plein profit, j'ai conçu le plan macabre que vous venez de découvrir. Je savais que le château était censé être hanté par le visage d'un vieux moine. Sherwood, avec toutes ses particularités, était superstitieux. Très progressivement, j'ai joué sur ses peurs, puis quand j'ai pensé le moment venu pour mon expérience, j'ai personnifié l'apparition. C'est moi qui l'ai jeté les remparts de ma propre main. Je savais que les termes du testament détourneraient tout soupçon de moi, et si votre coup de feu, Hélène, n'avait pas été si précis, vous ne seriez jamais venu vivre ici. Eh bien, vous avez vengé votre père, et vous êtes sauvé en même temps. Vous trouverez dans le coffre-fort, dans un coin de la salle des banquets, des plans et des cartes de l'endroit exact où se trouve l'or. J'aurais pu y travailler pendant des années sans être soupçonné. Il est vrai que j'aurais perdu 10 000 livres, mais j'aurais gagné 5 fois ce montant. Il y a 4 ou 5 mois, je suis allé voir une de mes amies particulières à Londres. C'est une femme qui se distingue comme l'une des plus grandes criminelles de son temps. Elle a promis de m'aider sur le champ. Il a suggéré, conçu et exécuté tout le plan. Elle a fabriqué la perruque elle-même, avec cette légère calvitie si trompeuse pour l'œil ordinaire, et elle a peint le visage affreux sur mon crâne chauve. Quand vous m'avez fouillé tout à l'heure, vous soupçonniez un masque, mais j'étais à l'abri de votre investigation. Enlever ou remettre la perruque était l'affaire d'un instant. La femme qui a fait tout cela devait partager mon butin. « Son nom » criai-je. « Sarah, la grande, l'invincible » murmura-t-il. Après avoir prononcé ces mots, il mourut. Ainsi s'achève Le visage de l'abbé par L.T. Mead et Robert Eustace.